aux éclaircies qui s'habillent de noir. Celles qui sont lorsque les lampadaires s'allument. Passant de l'ombre à la lumière, seul tend la prume. Passant du rire aux larmes, je suis l'âme noire. Celle qui scintille dans la beauté du chaos. Celle qui plonge dans l'abîme, ne laissant qu'une écume. Naufragé de mes peines, exclu, je m'enfume vers un pays où les naufrages sont d'autant plus bons. Je suis la noire parmi vous, mais seul contre moi-même. Même si solitaire n'est pas de ma nature, je m'enferme. Je m'enferme dans mon univers, sans joie ni lumière, où ne réside qu'automutilation, souffrance et peine. Je me préserve dans mon univers, dans l'ombre, d'où je m'exerce pour chaque jour à mes jeux de rôle. Je suis l'éponge affective qui souffre de chacune de vos paroles. Alors n'éteignez pas mon petit monde si sombre. Qui s'habille de noir. Je suis l'âme noire.